Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Bonjour à vous toutes, voici donc, nous sommes déjà mardi après-midi, voici le retour avec Music Dance toute l'après-midi. Voilà donc, vous êtes de passer tout simplement bon après-midi en ma compagnie, j'espère aussi que vous avez passé tout simplement très bonne, bon début déjà, deux semaines et puis très bonne matinée, tout simplement. Les chansons sont toujours là pour vous faire plaisir, tout simplement. Et donc, eh bien, j'espère que tout cela, ça passera très bien cet après-midi. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec tout simplement Tata Yo-Yo, avec tout simplement Annie Cordy, et puis suivi de Elsa avec Jour de neige. C'est pas encore la saison, mais on a bien écouté cette chanson et bien aimé, donc la voici. Et puis juste après, avec Scooby-Doo, Chacha, dit-elle. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel.

réclame. Oh, le fond des jalousies, et ça vous plaque. Vous les femmes, vous les chaînes, vos sourires nous affirment, nous désarment. Oh, pédienne, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Oh, diable, la bidon sur zone en danger. Terrain vague, amarré à la cité romaine. Comme un fou décoiffé, déshabille une reine. Michel Sardou, Africa Dieu, et puis survie, avec Lady Mitchell, tout simplement, couleur mentalo. Don't

Voici donc Patrice Cass avec Mon mec à moi, puis juste après Renaud. Renaud avec Mistral gagnant. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. J'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand j'ai pris dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. sera le gagnant. Avec le titre Sur l'une, prélude de Mac. Et puis juste après, Amour et d'amitié avec Céline Dion. Et les baraques et les gargouilles. Lorsque j'entends sous prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins. Et toi, les pieds dans le flac, et moi, et ma tête à claque, j'ai pris les remorqueurs pour des gondoles, et moi, moi je traîne. Dans cette décharge de rêve en Pâques, qu'on bazarde au prix du pétrole, pour des cols blancs et des corbacs, et oh, oh, oh. De Bach, je donnerai les Charles Mozart en vrac, la vie en rose, le rock and roll, tous ces démons et tous ces couacs. Je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas. Arc-en-Ciel. Voici le titre, s'appelle « Tout est pardonné » avec Marie-Myriam et puis juste après, Aline Christophe. je me suis assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire, mais sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Elle sait comment faire les enfants. Elle, c'est un avion blanc dans le ciel. Elle a déjà brûlé ses ailes. Elle est née dans un ouragan. Elle, elle est croquée comme une pomme. Elle n'en veut parler à personne. Elle a les yeux de l'océan. Elle, moitié Venise et moitié Rome. Elle a déjà aimé des hommes. Elle a le cœur comme un diamant. Elle, c'est un loup, une tourterelle. C'est un animal étonnant. Moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant, c'est une lady, lady, elle, c'est une femme tout simplement. Elle, je connais ses châteaux de paille, elle a grandi à la campagne, elle a le sourire de ses gens. De la ville, elle a le feeling et le style, elle fait tout ça naturellement. Elle, c'est un loup, une tourterelle, c'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant. Elle a la peau couleur du soleil. Elle a des larmes au bout de miel. Elle pleure comme pleurent les enfants. Elle, c'est le plus violent des poèmes. Elle n'a pas peur de dire je t'aime. Elle fait l'amour exclusivement. Une tourterelle, c'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant, c'est une lady, lady, elle, c'est une femme tout simplement. Arc-en-ciel. Voici mes chansons portugaises dont on se retrouve juste après.

aos teus. Não conheço outra miúda com olhos iguais aos teus. Quando te pinto, miúda da minha lua, te sorris quando te pinto. Nunca vi na minha vida um sorriso tão bonito. Nunca vi na minha vida um sorriso tão bonito. Voici donc Gilbert Montagnier, on va s'aimer, et puis juste après Michel Polnareff. On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les. Sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Bien sûr, moi, je pourrais te dire que je ne vis que par ton les chansons, eh bien voici les programmes tout simplement pour d'autres émissions différentes. Voilà, à partir de ce soir, donc à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe pour l'émission électrique choc. Demain, nous sommes devant mercredi déjà, et vous allez retrouver Victor à partir de 9h jusqu'à midi avec Portugal en fait. Et puis donc, en soirée, tout simplement, déjà, à partir de 16h, jusqu'à 17h, vous allez retrouver, tout simplement, Zik, d'ailleurs. En soirée, à partir de Violette, à partir de 18h, 19h30, avec traditionnel Violette. Et puis, en soirée, à partir de 19h30 jusqu'à 21h, avec Christina, pour l'émission Pour Fleurs de Fourrure. Et puis ainsi, demain matin, eh bien, vous allez retrouver tout simplement un Argiro, tout simplement entre 9h jusqu'à midi, tout simplement. Avec son émission Vase de Portugal. Voilà, donc on continue bien sûr les chansons et voici tout simplement Barry White et puis juste après Philippe Laville. Tout simplement, on préfère l'amour en mer. La t'emmène pas sur l'eau. Question de tempo, elle rêve de long voyage sur un paquebot. Elle préfère l'amour en mer, elle se laisse aller sur les flots. La marine en est fière, capitaine Nemo. Elle danse, balance entre Grenade et Dominique. Elle pense vacances du Pacifique. Elle rêve corsaire entre Cayenne et Bornéo. Elle crie galère aussitôt qu'elle n'est plus sur l'eau. Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de tempo. Elle rêve d'un long voyage sur un paquebot. Aller sur les flots, la marine en est fière, capitaine Nemo. D'abord, tribord, elle fait du sport sur le pont rouillé d'un cargo. Elle perd le nord dès qu'elle voit passer un radeau. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mer qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières. Sur nos terres, dans nos... Après Mireille Mathieu, voici donc du country. I can't hear you anymore. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason why I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Walking down that long, lonesome road, gal, where I'm bound, I can't tell. Goodbye, it's too good a word, gal, so I'll just say fare thee well. Well, I ain't saying you treated me unkind. Could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. Ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you could do or say. Make me change my mind and stay. You never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. Ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. Ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now, I'm a-thinking and a-wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. Voici, il s'appelle tout simplement Patrick Fiori, avec le titre Elle, puis Nana Mouskouri, Cueille Rose. Ces clichés démodés dans les rengaines dessous, partout, faut-il ajouter d'autres rimes à ces millions de poèmes? D'accord, on n'en veut plus de ces histoires. Pourtant, chacun d'entre nous s'est perdu. Mais passe les ans, le temps fut-il. Que nous reste-t-il indélébile? Elle, première et dernière. Fidèle

Voici donc une chanson tout simplement de Pierre Perret avec Quand ouvra la cage aux oiseaux en harmonica. C'est aussi ça? Depuis ce jour béni, début d'un voyage. Voilà, après l'accordéon, voici donc les chansons d'Emis Rousseau, ce quand je t'aime. Un chevalier d'autrefois, le seul. Et puis juste après Lily Harmony avec Amour magique. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est midi, un enfer au paradis, n'importe où et ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Transmet ta courant, tu es extraordinaire et fascinant.

the silence come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. We'll be right back. j'attendais que l'âme en ait froid. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande. Et derrière nous, s'éclairait la lampe. Charles Aznavour, Mes Emmerdes, et puis juste après, on écoutera Cyndi Lauper, suivi de Madonna. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui. Pour gravir, oh oui, le sommet, en oubliant, oubliant souvent ma course quand le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant si dans, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah, oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être vieille, fier, je suis fier, fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie. Mais il y a un mais, je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait, pour retrouver jamais mes amis, mes amours, Mes relations, ah mes relations, sont vraiment sont haut placées, très haut placées, décorées, très décorées, influents, très influents, me donnant, très me donnant, des gens bien, très très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout, j'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Arc-en-ciel. Donc voici Cindy Lauper et puis juste après Madonna avec La Isla Bonita. Chanson portugaise, et puis juste après on écoutera Lily avec Pierre Perret. Há muito tempo que não escrevo assim. Há muito tempo que procuro e não te encontro. Há muito tempo que não pare este tormento. Será que o nosso amor foi como o vento? Sempre me juraste amor eterno e deixaste, foi um eterno sofrimento. Já me vou acostumando a este deserto,

l'Amérique. J'attends d'un œil sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique.

Toilette Nettoyage, 117 Route Nationale, 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Le restaurant Le Camaris, situé au 157 rue des Fossés à Fleury-les-Aubrais, organise le samedi 3 juin à partir de 19h30 une soirée animée par l'artiste Hugo Manuel, accompagné de ses danseuses, pour fêter le lancement de son tout nouveau album. Chaque couple qui réservera sa table se verra offrir un CD par l'artiste Hugo Manuel. Alors n'hésitez pas, réservez dès aujourd'hui par téléphone au 02 38 53 14 73 ou par mail sur le tamaris@orange.fr. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Boa tarde, são 4 horas em Portugal.